Faut qu'à TK déchaîne les masses, moi ça XS. Un des 7 piliers en place aux angles de l'heptagone. ATK ensemble pour monter, à l'intérieur de l'hexagone ou à l'extérieur pour contrer. L'union fait la force et que la situation se corse. ATK sort son album, heptagone donc la bombe s'amorce. Ouais. AXS, Heptagone, ATK, ouais, AXS, Nashka, Apocalypse, Interphase, Nashka, Actine.